الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأوجب على الخلق طاعته واتباعه. Faut savoir que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est le dernier et le sceau des messagers et des prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé en tant que miséricorde pour tout l'univers. Il a transmis le message venant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala et il a transmis le dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Il a conseillé cette communauté de la meilleure des manières. Et il a combattu dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala de la meilleure des manières également. Par son intermédiaire, Allah azza wa jalla a parachevé sa religion. Et il a également parachevé son bienfait. Et il a rendu obligatoire à toute la création, que ce soit les djinns ou les hommes, eh bien, d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et également de le suivre. وأوجب عليهم محبته أكثر مما يحبون أنفسهم ووالديهم وأولادهم والناس أجمعين. Il a rendu obligatoire le fait également de l'aimer, d'aimer le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, plus que l'on aime nos propres personnes, plus que l'on aime nos parents, plus que l'on aime nos propres enfants, plus qu'on aime toute autre personne. وسنتناول إن شاء الله موضوعا يهم كل مسلم ومسلمة ألا وهو العقيدة. Et ce soir, inshallah, on va essayer de parler d'un sujet qui concerne tout musulman et musulmane. Et ce sujet est la croyance, العقيدة. فهي الأساس المصحح لجميع الأعمال. Cette croyance, eh bien, c'est le fondement qui authentifie tout le reste des œuvres. فكل عمل لا يبنى عليه عقيدة سليمة فإنه مردود على صاحبه مهما أتعب نفسه ومهما أفنى حياته فيه. Et chaque œuvre qui n'est pas construite sur une croyance authentique, sur une bonne croyance, eh bien, cette œuvre sera rejetée et ne sera pas acceptée de celui qui la commet ou l'a fait. Même, eh bien, s'il s'est fatigué à faire cette œuvre. وَالْعَقِيدَ هِيَ أَسَاسُ الدِّينِ وَخَلَاصُهُ أَوْ خَلَاصَةُ دَعْوَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ. Et cette croyance, eh bien, c'est le fondement de la religion. Et c'est le but dans lequel, eh bien, ont été envoyés, ou pour lequel ont été envoyés les prophètes et les messagers du premier jusqu'au dernier. C'est justement pour authentifier cette croyance et la remettre au goût du jour. كما يسأل عنها العبد يوم القيامة. Et cette croyance, eh bien, chaque personne sera questionnée dessus le jour de la résurrection. Chaque personne sera questionnée sur sa croyance le jour de la résurrection. وقد ورد في الأثر كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. Et il est rapporté dans les textes que deux questions seront posées aux gens. Ces deux questions ou deux paroles seront dites aux gens: qu'est-ce que vous adoriez et qu'est-ce que vous avez répondu aux messagers. هاتان الكلمتان يسأل عنهما كل مخلوق يوم القيامة. Et ces deux questions, eh bien, chaque créature sera questionnée dessus le jour de la résurrection. جواب الأولى شهادة أن لا إله إلا الله. La réponse à la première, qui était: qu'est-ce que, eh bien, vous adoriez ou qu'est-ce que vous avez adoré, c'est l'attestation de la إله إلا الله. وجواب الثانية shahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Et la deuxième, c'est d'attester que Muhammad alayhi salatu wassalam est son messager. Qawlan wa amala, que ce soit avec la parole ou avec les actes. Wa al-aqidatu as-sahiha hiya allati jaa biha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa da'a ilayha. Et la croyance authentique, c'est ce avec quoi est venu le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ce à quoi il a invité les gens. Ça, c'est la croyance authentique. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق من بعده على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Il est rapporté dans le hadith qui est rapporté par al-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette communauté se divisera en 73 groupes. Tous ces groupes sont dans le feu sauf un. Alors on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est ce groupe? Quelles sont ses caractéristiques? Alors il a dit, alayhi salatu wassalam, ceux qui sont sur la même chose sur laquelle je suis aujourd'hui, yani sur la même croyance sur laquelle je suis aujourd'hui, ainsi que sur la croyance sur laquelle sont mes compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. فَمَنْ وَافَقَ اَعْتِقَادُهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَصْحَابُهُ مِنَ الْمُعْتَقَدَاتِ فَإِنَّهُ يَنْجُو مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ. Celui dont la croyance est conforme à la croyance sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum, eh bien, il sera sauvé du feu. Et il fera partie de ce groupe sauvé et il entrera بِإِذْنِ اللَّهِ au paradis. لذا سميت الفرقة الملتزمة بهذه العقيدة الثابتة عليها الفرقة الناجية. Et c'est pour cette raison que ce groupe a été appelé le groupe sauvé. Pourquoi? Parce que, eh bien, il se tient à la chose sur laquelle ou à la croyance sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que la croyance sur laquelle étaient les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. وسبب تسميتها بهذا الاسم يرجع الى كونها ناجيه. Et pourquoi on a appelé ce groupe sauvé? Pourquoi? Parce qu'il est sauvé du feu. ناجيه من عذاب الله, il est sauvé du châtiment d'Allah azza wa jal. C'est Allah azza wa jal qui nous a fait de cette firqa. وذلك من بين 73 فرقه. Et tout ceci d'entre 73 groupes. D'entre 73 groupes. أما الفرق الباقية فهي في النار والعياذ بالله. Mais quant aux autres groupes, eh bien ils sont en enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. إذن فالفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة في كل زمان. Donc le groupe sauvé, eh bien c'est le groupe de أهل السنة والجماعة. Et ceci à chaque époque. بداية من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. A commencé par le prophète صلى الله عليه وسلم et les compagnons رضي الله عنهم. ونهاية بآخر هذه الأمة المحمدية عند قيام الساعة. Et elle se terminera avec les derniers de cette communauté, la communauté de Muhammad صلى الله عليه وسلم à la fin des temps. كما ورد في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك كما أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد في المسند. Et comme ceci est rapporté par, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il y aura une partie de ma communauté qui ne cessera d'être sur la vérité apparente, rien ne pourra leur causer du tort. Ceux qui les trompent ne leur causeront aucun tort, et ceux qui en divergent également ne leur causeront aucun tort. Et ceci jusqu'à ce que le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala arrive, yani jusqu'à ce que l'heure se lève. Wa na'am ta'addadat al-firaq wa ta'addadat al-nihal wal-madhahib wa ta'addadat al-aqwal wa hadha din rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr que les groupes sont nombreux et les sectes sont nombreuses et les voix sont nombreuses également et les paroles sont nombreuses, mais ceci est la voie où est la religion du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. فقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصراط الله هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وسار عليه صحابته الكرام. الله عز وجل يديه voilà mon chemin droit dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les autres chemins et les autres sentiers qui vous égareraient du sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà ce qu'il vous a recommandé, peut-être atteindrez-vous la piété. Et le chemin et la voie d'Allah azza wa jal qu'il cite dans ce verset, c'est ce avec quoi il a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ce sur quoi sont restés les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum wal qurunul mufaddala, et ce sur quoi étaient les siècles bien guidés après eux. ومن اقتفى اثرهم من متاخر هذه الامه الى ان تقوم الساعه. Et ce sur quoi sont ceux qui les ont suivis parmi les derniers de cette communauté, en demandant à Allah azza wa jal qu'il fasse qu'on soit parmi ceux qui les ont suivis dans le bien et dans la bienfaisance. ذلك هو الصراط المستقيم اما ما خالف هذا الصراط واختلف عنه فَإِنَّهُ سُبُلْ. Mais ceux qui ont suivi un autre chemin que celui-là et qui ont divergé du chemin sur lequel était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiyallahu anhum, et bien ceux-là auront suivi les chemins dont Allah azza wa jal parle. Ceux-là auront suivi les chemins dont Allah tabaraka wa ta'ala nous parle. وَقَدْ خَطَّ النَّبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam خَطًّا مُسْتَقِيمًا وخط على جانبيه خطوطا متعرجة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait droit à terre alors qu'il était avec les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, tout droit. Et sur les côtés, il a tracé des chemins tortueux, sinueux, plusieurs chemins. فقال عليه الصلاة والسلام عن الخط المستقيم هذا صراط الله. Ensuite, il a dit concernant le chemin droit, le trait droit, ceci est la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. وقال عن الخطوط الجانبية المتفرقة وهذه سبل. Et il a dit concernant les chemins tortueux qu'il a tracés autour de ce chemin droit, qui est le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, il dit cela sont d'autres sentiers. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. Et à la tête de chacun de ces chemins, il y a un shaytan, un diable, qui invite à emprunter ce chemin et à te faire dévier du chemin droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. فهذا بيان واضح من الرسول صلى الله عليه وسلم لمعنى هذه الآية الكريمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. Et ceci est une explication claire venant de la part du prophète صلى الله عليه وسلم pour expliquer le sens de ce verset où Allah Azza wa Jal dit « Et ceci est mon chemin droit dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les autres chemins. » إِذَنْ فَأَصْحَابُ الْعَقِيدَةِ السَّلِيمَةِ وَأَصْحَابٌ هُمْ أَصْحَابُ النَّجَاةِ هُمْ أَصْحَابُ النَّجَاةِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَمِنَ النَّارِ وَمِنَ الْأَهْوَى. Donc ceci prouve que les gens qui ont la bonne croyance sur laquelle était prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiyallahu anhum, ce sont eux qui seront sauvés de l'égarement, qui seront sauvés du feu et qui seront sauvés également des passions. Hum jama'atun wahida. Et ces gens-là, ce sont un seul groupe. Wa hum ahlus sunnati wal jama'a. Et ce sont les gens de la sunna et le jama'a. أو هم السلفيون أو هم أهل الفرقة الناجية أو أهل الحديث إلى آخر ذلك من الأسماء. الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء وأن يجمعنا بهم وأن يرزقنا السير على نهجهم إلى يوم نلقاه. أهل السنة والجماعة قد يقلون في بعض الأزمان، وقد يكثرون، وقد لا يكون منهم إلا عدد قليل. Faut savoir que les gens de la Sunna, eh bien, dans certaines époques, il se peut qu'ils soient très nombreux. Et à d'autres époques, il se peut qu'ils soient moins nombreux. Il se peut qu'à certaines époques, il n'en reste que très peu. Comme on voit aujourd'hui, par exemple. La plupart des mosquées et la plupart des musulmans, eh bien, ne suivent pas la croyance authentique sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur laquelle étaient les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. ولكن مع قلتهم فيهم البركة والخير. Mais malgré qu'ils soient peu nombreux, bi'idhnillah, ils auront, eh bien, la bénédiction et le bien. Ils sont dans la bénédiction et le bien. لماذا؟ لأنهم على الحق. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la vérité. ومن كان على الحق فإنه لا يخاف من القلة ولا يخشى من كثرة الأعداء. Et celui qui est dans la vérité et sur la vérité, eh bien, il ne doit pas craindre le peu de nombre, yani le fait qu'ils soient peu nombreux, et ils ne doivent pas craindre le grand nombre de leurs ennemis. فقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله عز وجل qu'est-ce qu'il nous dit? Ceux qui prouvent que ceux qui sont sur la vérité n'ont rien à craindre. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ceux qui obéissent à Allah et à son messager, en appliquant le Coran et la Sunna, en ayant la bonne croyance, en ayant le bon comportement, eh bien ceux-là seront ceux avec qui Allah azza wa jalla a gratifié de ses bienfaits. Parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les martyrs, parmi les vertueux, et quelle bonne compagnie que ceux-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous promet, ou promet à ceux qui sont sur la vérité, eh bien, d'être en compagnie de ces gens-là. Et quelle meilleure compagnie que ces gens-là. فَمَنْ كَانَ رِفْقَتُهُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَمِمَّا يَخَافُ إِذًا. Et si ceux qui ont cette compagnie, qui sont en compagnie des prophètes, des messagers, des martyrs, des vertueux, sont avec eux, qu'est-ce qu'il peut craindre après cela? Quelle crainte il peut avoir? ولكن هذا هذه الرفقة يحتاج من العبد أن يكون على بصيرة وعلم وبحث عن سبيل هؤلاء والصبر عليه وتحمل آذاء من خالفه. Mais pour atteindre, eh bien, leur compagnie, il faut que la personne soit sur la clairvoyance, apprenne sa religion, cherche le chemin sur lequel étaient ces gens-là, patiente sur ce chemin et soit endurant. Et il doit supporter également le tort que ceux qui divergent de ce chemin vont lui faire. Et sans aucun doute, ceux qui divergent du chemin de la vérité feront du tort, te feront du tort, si tu es sur cette vérité. Même au sein de ta propre famille, des gens te feront du tort. Mais il faudra que tu patientes pour Allah tabaraka wa ta'ala, et que tu sois endurant, comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des membres de sa famille lui ont causé énormément de tort, Abu Lahab. Mais voyez sa fin, comment elle est. فالصابر على صراط الله وعلى دين الحق وعلى السنة يلقى عنة من الناس ويلقى لوما وعتابا. Celui qui patiente sur le et qui est endurant sur le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui est endurant sur la religion de vérité, eh bien, et qui est endurant sur la sunna, qui patiente en appliquant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, qu'il sache qu'il va trouver de la souffrance. Qu'il sache qu'il va trouver de la souffrance. قول الله عز وجل أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Est-ce que les gens ont cru qu'on allait les laisser dire qu'ils croient sans que nous les éprouvions? Non. Obligatoirement, la personne se fera éprouver. Si elle est sur la vérité, la personne sera éprouvée, elle éprouvera, elle trouvera de la souffrance sur ce chemin. Et elle sera confrontée à des reproches et à des réprimandes. Wa rubbama yasilu dhalika ila hadd at-ta'dhib wal-qatl wat-tashrid. ولكنه ما دام على الحق فلا يضره كيد الكائدين وإن أصيب في دنياه فإن العاقبة له والعاقبة للمتقين. Et il se peut que ces désagréments arrivent à la torture, comme ça a été le cas avec l'imam Ahmed rahimahullah. Il se peut que ces désagréments arrivent à l'emprisonnement, comme ça a été le cas avec Cheikh al-Islam ou Cheikh Tirmidhi ibn al-Qayyim. Et il se peut que ces désagréments arrivent même jusqu'à la mort, comme ceci est arrivé avec les prophètes et les messagers alayhi musallatu wassalam. Mais il faut qu'il sache que la personne, à partir du moment où elle est sur la vérité, la ruse des trompeurs ne peut pas l'atteindre. Même si dans sa vie d'ici-bas il sera atteint, mais il faut qu'il sache que pour lui il y aura la bonne fin. Et la bonne fin, elle est pour les vertueux et les pieux. وعقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر وخيره وشره. Et quelle est la croyance de Ahl al-Sunnah wal Jama'a? Leur croyance, c'est la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, la foi aux anges, la foi aux livres célestes qui ont été révélés, la foi aux prophètes et aux messagers qui ont été envoyés, la foi au jour dernier et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. وهذه الأصول خالف فيها من خالف وانحرف عنها من انحرف من الفرق الثنتين والسبعين. Et ces fondements de la croyance, en ont divergé ceux qui en ont divergé, et en ont dévié ceux qui en ont dévié parmi les 72 autres groupes. Les 72 autres groupes. ولكن أهل الحق ثابتون على الحق. Mais les gens de la vérité sont fermes sur la vérité. مع ما يجابهون من الامتحان والضغط. الموجه أو الموجهين إليهم من الناس. Ils sont fermes malgré les épreuves et l'oppression auxquelles ils sont confrontés de la part des gens. ولكنهم ثابتون على الحق ولا يريدون للحق بديلا. Mais Ahl al-Sunnah wal Jama'a sont fermes sur la vérité malgré cette oppression. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas changer la vérité contre l'égarement. Ils ne veulent pas changer la vérité contre l'égarement. وما معنى الإيمان بالله؟ الإيمان بالله يعني الاعتقاد الجازم بوحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته والألوهية. Quel est le sens de la foi en Allah تبارك وتعالى؟ C'est de croire fermement qu'Allah تبارك وتعالى doit être unifié dans sa seigneurie, dans sa royauté et dans son adoration. وما له من الأسماء والصفات. Et également, il doit être unifié dans ses noms et ses attributs. تبارك وتعالى. وهذا يعني أنه ضمن أنواع التوحيد الثلاثة. Et ce sens-là eh bien, englobe les trois catégories de tawhid. Tawhid al-rububiyya, wa tawhid al-uluhiyya, wa tawhid al-asma'i wa sifat. Donc ça, c'est les trois sortes, les trois catégories de tawhid, d'unicité. L'unicité de la seigneurie ou de la royauté, l'unicité de la divinité, c'est-à-dire de l'adoration, et l'unicité dans les noms et les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. النوع الأول هو توحيد الربوبية. La première des catégories, c'est le توحيد de la seigneurie. توحيد de la seigneur, de la seigneurie, de la royauté. وهذا النوع مركوز في الفطر. Et cette sorte d'unicité, eh bien, elle est ancrée dans la nature même de l'être humain. Dans la nature même de l'être humain, cette sorte, cette catégorie d'unicité, elle est ancrée dans la nature même de l'être humain. La yakadu yunazi'u fihi min al-khalq. Personne parmi la création, eh bien, ne peut renier cette sorte de seigneurie. Hatta Iblis, alladhi huwa ra'sul kufr. ماذا قال قال ربي بما اغويتني. Même Iblis ne peut renier cette sorte de seigneurie. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Cette sorte de tawhid, le tawhid de la seigneurie. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Il a dit, en parlant d'Allah Azza wa Jalla, il lui a dit Seigneur. Donc il a reconnu la seigneurie et la royauté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il a dit Seigneur, comme tu m'as égaré, eh bien je les égarerai tous. وقال عز وقال كذلك فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Et de par ta puissance, je les égarerai tous. Et la puissance, eh bien, montre la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa royauté. فهو قد أقر بربوبية الله وحلف بعزة الله تبارك وتعالى. Donc Iblis, même lui, atteste de la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a juré de par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك سائر الكفرة مقرون بهذا كأبي جهل وأبي لهب وخلافهم من أئمة الكفر. Également pareil, tous les autres mécréants, eh bien, attestent de cette unicité de la seigneurie, de la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Jahl, Abu Lahab et ceux qui les ont suivis parmi les têtes de la mécréance. كانوا مقرين بتوحيد الربوبية على ما هم عليه من الكفر والضلال. Ils attestaient de la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala malgré la mécréance et l'égarement dans lequel ils étaient. فقال جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Et si tu les questionnes et tu leur demandes qui les a créés, ils te diront c'est Allah. وقال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également في سورة المؤمنون, il nous dit qui détient entre ses mains la royauté de toutes choses? Et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Si vous savez, ils te diront c'est Allah. Ils te diront c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala ta'ala qul man yarzuqukum min as-sama'i wal-ard amman yamliku as-sam'a wal-absar wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyit min al-hayy وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ سَيَقُولُونَ اللَّهِ سَيَقُولُونَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ. Allah Azza wa Jal, dans un autre verset, في سورة سبأ ou في سورة يونس, il nous dit qui subvient à vos besoins des cieux et de la terre, qui pourvoit à vos besoins des cieux et de la terre, et qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, et qui régit toutes choses, ils te diront c'est Allah. إذن فهم مقرون بهذا كله. Donc ceci prouve qu'ils attestent de cela. Ils attestent qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le Seigneur de l'univers, tabaraka wa ta'ala. وعند الشدائد يخلصون الدعاء لله لأنهم يعلمون أنه لا ينجي من الشدائد إلا الله تبارك وتعالى. Et donc les associateurs, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, savaient tout cela, savaient qu'Allah Azza wa Jal c'était lui le Seigneur de l'univers. Mais lors des difficultés, ils se retournaient vers lui exclusivement. Et ils invoquaient Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer, parce qu'ils savaient que seul Allah tabaraka wa ta'ala pouvait les sauver de cette difficulté. Et ils savaient très très bien que leur divinité fausse et que leurs idoles et que leurs statues ne pouvaient pas les sauver de la perdition. وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرفتم وكان الإنسان كفورا. الله سبحانه وتعالى nous dit également, et si un mal vous touche en mer, يعني sur les bateaux, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah Azza wa Jal se perdent, يعني vous les oubliez carrément, et vous vous retournez vers qui? Vers Allah تبارك وتعالى. Mais quand il vous sauve et vous ramène à la terre, eh bien vous vous détournez. Yani vous retournez à l'adoration de vos idoles et de vos fausses divinités. Et certes, l'être humain est renégat, est ingrat. Inna mu'taniqa hadha an-naw' min at-tawhid la yadkhulu fi l'islam. Celui qui s'accroche à cette sorte d'unicité, qu'il sache qu'il ne rentre, que cette sorte d'unicité seule ne fait pas rentrer en islam. Et que le fait de s'accrocher juste à cette sorte d'unicité, yani qui est l'unicité de la Seigneurie, eh bien ne sauve pas du châtiment de l'enfer. Ne sauve pas du châtiment de l'enfer. Fal kuffar ala sabil al mithal aqarru bi tawhid al rububiyya. Exemple, les mécréants atteste qu'Allah Azza wa Jal est le Seigneur de l'univers. ولكن إقرارهم بذلك لم يدخلهم في الإسلام. Mais il faut savoir, eh bien, que le fait qu'ils attestent de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa Seigneurie, eh bien, cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Cela ne les fait pas rentrer dans l'islam. وسماهم الله تبارك وتعالى مشركين وكفارا. Et malgré cela, Allah Azza wa Jal les a appelés associateurs ou les a appelés mécréants. وَحَكَمَ لَهُمْ بِالْخُلُودِ فِي النَّارِ. Et il a jugé pour eux, il a jugé pour eux, eh bien, de les faire rentrer en enfer éternellement, sans en sortir. مَعَ أَنَّهُمْ يُقِرُّونَ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ. Malgré qu'ils attestent de l'unicité de la Seigneurie. ومن هنا يخطئ بعض المصنفين في العقائد على طريقة أهل الكلام حين يفسرون التوحيد بأنه الإقرار بوجود الله. Et certains auteurs d'ouvrages, eh bien, font une erreur dans la croyance, et plus précisément, eh bien, les gens de la rhétorique, quand ils expliquent, eh bien, le tawhid, en disant, eh bien, que c'est d'attester de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Non, tawhid, c'est pas ça. Ou annahu al-khaliq al-raziq ila ghayri dhalik. Ou le fait d'attester qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le créateur. Ou c'est lui qui pourvoit aux besoins de ses créatures. Ce n'est pas ça, tawhid. Tawhid, ce n'est pas seulement ça. فنقول لهم هذه ليست العقيدة التي بعث الله بها النبيين. Qu'est-ce que nous leur répondons? Nous leur répondons que ceci, le fait de dire qu'Allah Azza wa Jal, le fait de dire que Tawhid est d'attester de l'existence d'Allah, ou de dire qu'Allah Azza wa Jal c'est lui le créateur, ou c'est lui qui régit ou qui pourvoit aux besoins de ses créatures, nous leur disons que ça c'est pas la croyance avec laquelle Allah Azza wa Jal a envoyé les messagers et les prophètes. فإن الكفار والمشركين وحتى إبليس يقرون بتوحيد الربوبية. Pourquoi? Parce que même les associateurs, même les mécréants, même Iblis, la tête de la mécréance, atteste de la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et atteste de l'existence d'Allah Azza wa Jalla. فالكل يقر ويعترف بهذا النوع من التوحيد. فالرسل ما جاءت تطالب الناس بأن يقروا بأن الله عز وجل هو الخالق. Il faut savoir que les prophètes et les messagers ne sont pas venus pour faire attester aux gens qu'Allah عز وجل, eh bien c'est lui le créateur, ou c'est lui qui pourvoit aux besoins de ses créatures, ou هو المحيي والمميت, ou c'est lui qui fait vivre ou qui fait mourir. لأن هذا لا يكفي ولا يغني من عذاب الله. Pourquoi? Parce que cela ne suffit pas et ne sauve pas du châtiment de l'enfer. Et il ne sauve pas du châtiment de l'enfer. والنوع الثاني من التوحيد هو توحيد الألوهية. Et la deuxième sorte de tawhid, c'est le tawhid de l'adoration. Tawhid de l'adoration. وهو توحيد العبادة. توحيد الإرادة والقصد. وهذا النوع هو محط الرحال ومحل الخصومة بين الرسل وأممهم. Et cette sorte de tawhid, eh bien, c'est le sujet de divergence entre les prophètes et leur communauté. C'est au sujet de ce tawhid-là, le tawhid de l'adoration, que les communautés ont divergé avec leurs prophètes et leurs messagers. فكل رسول جاء يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Chaque prophète et chaque messager est venu à son peuple et leur a dit: ô mon peuple, adorez Allah tabaraka wa ta'ala, unifiez-le dans l'adoration, car vous n'avez pas d'autre divinité que lui. ولا يقول لهم يا قوم إن الله هو ربكم. Mais il ne venait pas leur disant: ô mon peuple, Allah Azza wa Jal est votre Seigneur. لماذا؟ لأنهم يقرون بذلك. Pourquoi? Parce qu'ils savaient cela. Ils attestaient déjà de cela. Cela a été ancré dans leur nature. ولكنهم يطالبونهم بأن يعبدوا ربهم الذي أقروا بربوبيته. Mais qu'est-ce qu'ils leur demandaient? Ils leur demandaient, eh bien, d'adorer leur Seigneur au sujet duquel ils ont attesté de sa seigneurie. وأنه الخالق وحده. Et il leur demandait, eh bien, d'attester que c'était lui le seul créateur. والرازق وحده, c'est lui seul qui pourvoyait à leurs besoins. والذي يدبر الأمر وحده, et c'est lui qui régit toutes les choses et toutes les affaires seul. ويطالبونهم بأن يفردوه بالعبادة وحده كما أفردوه بالخلق والتدبير. Il leur demandait de l'unifier dans son adoration, comme ils l'ont unifié en disant que c'était lui le seul créateur, que c'était lui qui seul pourvoyait aux besoins de ses créatures. Eh bien, il leur demandait également de l'unifier dans son adoration, de lui vouer exclusivement l'adoration à lui, Allah Azza wa Jalla seul. فَهُمْ يَحْتَجُّونَ عَلَيْهِمْ بِمَا أَقَرُّوا بِهِ. Donc les prophètes et les messagers prenaient pour argument contre leur peuple les choses dont ils avaient déjà attesté, yani de la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. ويذكر القرآن الكريم توحيد الربوبية من باب الاحتجاج. Et à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal parle du tawhid, de la seigneurie dans le Coran, c'est comme argument contre les associateurs. C'est pour leur ramener cet argument contre eux, du fait qu'ils attestaient qu'Allah Azza wa Jal déjà était le seul à créer, était le seul à pourvoir aux besoins de ses créatures. Donc vous attestez qu'il est le seul à faire ces choses-là, et bien également attestez et unifiez le seul dans son adoration. فما دمتم أيها الكفار معترفين أن الله عز وجل هو الخالق وحده وهو الرازق وحده وهو الذي ينجي من المهالك وهو الذي ينجي من الشدائد فلماذا تعدلون به غيره مما لا يخلق. Donc ô vous les mécréants et les associateurs, si vous attestez déjà, et ça c'est ces paroles là qui sont voulues dans le Coran quand Allah Azza wa Jal ramène le tawhid de la seigneurie, C'est comme s'il leur disait, oh vous, les mécréants qui, ou les associateurs qui attestaient qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui seul qui a créé, c'est lui seul qui pourvoit à vos besoins, c'est lui seul qui fait vivre ou qui fait mourir et qui sauve des difficultés et du malheur, eh bien pourquoi vous lui donnez des égales dans son adoration? Des égaux dans son adoration qui ne peuvent pas créer, qui ne peuvent pas pourvoir à vos besoins et qui ne peuvent rien régir de vos affaires. يقول الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. Est-ce que celui qui crée est comme celui qui ne peut rien créer? Est-ce que celui qui crée, qui ne peut pas créer une chose, mérite la même adoration que celui qui a créé seul? Est-ce que vous vous rappelez? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح إذن توحيد الألوهية هو الذي دعا إليه الرسل. Donc de là on peut déduire et on comprend que le tawhid de l'adoration, c'est ce à quoi ont invité les prophètes et les messagers. وطالبوا قومهم به. Et c'est ce qu'ils ont demandé à leur peuple d'appliquer. C'est ce tawhid là. ولا يزال الصراع بين أهل التوحيد وأهل الانحراف في هذا النوع حتى الآن. Et la divergence et la confrontation ne cessent entre les gens du tawhid et les gens de la déviance sur cette sorte de tawhid jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours encore, eh bien, certaines personnes de la déviance n'appliquent pas cette sorte de tawhid. فأهل العقيدة السليمة يطالبون من انحرف عن توحيد الألوهية وعاد إلى دين المشركين بعبادة القبور والأضرحة وتقديس الأشخاص ومنحهم شيئا من خصائص الربوبية فأهل التوحيد يطالبون هؤلاء بأن يرجعوا إلى العقيدة السليمة. Les gens du tawhid demandent à ceux qui ont dévié de ce tawhid justement et qui sont retournés en réalité à la religion des associateurs en adorant les tombes, en adorant les mausolées, en sanctifiant les personnes enterrées ou vivantes, en leur donnant une des spécificités de la seigneurie. Les gens du tawhid demandent à ces gens-là et bien de revenir à la croyance authentique, celle sur laquelle était le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et celle sur laquelle étaient les compagnons radiallahu anhum wa ardahum ويطالبونهم بأن يفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادات. Et on leur demande également, eh bien, d'unifier Allah Azza wa Jal dans son adoration. وأن يتركوا هذا الأمر الخطير الذي هم عليه. Et on leur demande également qu'ils délaissent, eh bien, la chose dangereuse et cette croyance dangereuse sur laquelle ils sont. لأن هذا هو دين الجاهلية. Pourquoi? Parce que la chose sur laquelle ils sont, eh bien, c'est la religion de l'avant-islam. بل هو أشد من دين الجاهلية. Mais encore plus, il est pire que la religion d'avant l'islam. لأن أهل الجاهلية كانوا يخلصون لله عز وجل في الشدائد. Pourquoi? Parce que les gens. Pourquoi c'est pire? Parce que les gens de l'avant islam, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils étaient dans une difficulté, ils revenaient exclusivement à Allah Azza wa Jal. Ils revenaient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُشْرِكُونَ فِي حَالِ الرَّخَةِ. Mais dans l'opulence et dans la facilité, eh bien, ils faisaient de l'association. أَمَّا هَؤُلَا أَهْلُ الْإِنْحِرَافِ فَإِنَّ شِرْكَهُمْ دَائِمْ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ. Alors que les gens de la déviance, les gens qui adorent les tombes aujourd'hui, eh bien leur association, leur associationnisme, leur shirk, il perdure. Que ce soit dans la facilité ou dans la difficulté. Il est constant dans la difficulté ou dans la facilité. فَإِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ تَسْمَعُ مِنْهُمْ طَلَبًا بِالْمَدَدْ مِنَ الْأَوْلِيَةِ. Si eh bien la difficulté se fait de plus en plus oppressante, ces gens-là d'aujourd'hui, eh bien tu les entends appeler à l'aide et au secours qui? L'aouliya, les vertueux. Ya Sidi Foulain. Alors que les associateurs d'avant l'islam, quand la difficulté se fait oppressante, ils se retournaient vers Allah tabaraka wa ta'ala. Même les mécréants, quand il a une difficulté, il ne peut plus s'en sortir, c'est oh mon Dieu. Il lève sa tête, il lève ses mains au ciel. Et il dit oh mon Dieu. Mais ces gens-là, qui adorent les tombes, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont dans la difficulté, ils se retournent vers leur wali. Oul'iyadu billah. Ils se retournent vers une personne enterrée morte, qui ne peut déjà rien pour elle-même. Alors qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour quelqu'un d'autre? وتسمع منهم طلبا بالمدد من المقبورين والموتى بينما المشركون اذا مسهم الضر اخلصوا الدعاء لله. Tu les entends se tourner vers les tombes, tu les entends se tourner vers les morts, alors que les associateurs d'avant l'islam, eux, eh bien, quand ils étaient touchés par un malheur ou une difficulté, ils vouaient exclusivement l'invocation à Allah tabaraka wa ta'ala. هذا هو النوع الثاني من انواع التوحيد. وهو الذي طالبت به الرسل جميع الأمم بأن يخلصوا لله تبارك وتعالى وهو الذي وقع فيه النزاع وهو الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين حتى يتركوه. Et donc cette sorte de tawhid, le tawhid de l'adoration, c'est ce tawhid là que les prophètes et les messagers ont demandé à leur peuple d'appliquer. Et c'est sur ce tawhid-là qu'est apparue la divergence entre les prophètes et les messagers et leur peuple. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ce tawhid que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu les associateurs jusqu'à ce qu'ils délaissent l'association. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. Et ceci eh bien est la signification de la إله إلا الله. لأن الإله معناه المعبود. La signification de la إله إلا الله, c'est aucune divinité n'est digne d'être adorée avec vérité si ce n'est Allah تبارك وتعالى. ومعنى الإله, la divinité, c'est celle qui mérite l'adoration. La divinité, c'est celle qui mérite l'adoration. Wa la ilaha illallah na'khudhu ma'na la ma'bouda bi haqqin illallah. Et donc de cette attestation, on prend le sens qui est: aucune divinité n'est digne d'être adorée avec vérité si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات ومعناه أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. Et la troisième et dernière sorte de tawhid, et on va terminer là, c'est le tawhid des noms et des attributs d'Allah عز وجل. Et quel est son sens? C'est-à-dire d'attester et de reconnaître les noms qu'Allah Azza wa Jal s'est donné à sa propre personne. Également reconnaître et d'attester des noms que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Allah tabaraka wa ta'ala comme noms et attributs. Wa an nanfiya 'anillahi ma nafahu 'an nafsihi wa nafahu 'anhu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min an-naqais wal 'uyub min ghayri tahrif wa la ta'til wa la takyif wa la tamthil. Également rejeter et réfuter tous les noms qu'Allah Azza wa Jal a réfutés pour sa propre personne. Et rejeter et réfuter tous les noms que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réfutés pour Allah Azza wa Jal et a rejetés. Et réfuter également que les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal n'ont aucun défaut. Ces noms et ces attributs n'ont aucun défaut, n'ont aucun manquement. Et ces noms et ces attributs, eh bien, on les donne sans les expliquer ou sans les faire ressembler au nom et aux attributs d'une quelconque créature. Li qawlihi subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Allah azza wa jalla, ce verset est très très important, c'est un des fondements parmi les noms et les attributs d'Allah azza wa jalla, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Et c'est lui l'audient, le voyant. Il se donne des noms et des attributs. Donc on sait qu'Allah Azza wa Jal voit et entend. Mais il voit et n'entend, ça on ne le sait pas. Comme aucune des créatures. Puisque rien ne lui ressemble. Il voit et il entend, mais d'une manière qui lui est propre et spécifique. Comme aucune autre créature. Puisque rien ne lui ressemble. Wa qawluhu ta'ala fala tadribu lillahi l'amthal. Inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et ne donnez pas d'exemple à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne le faites pas ressembler aux créatures ou à une chose existante. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui seul sait. Et vous ne savez pas. Il sait quoi? Il sait comment il est. Mais vous ne savez pas comment lui il est. وما جاء في آية الكرسي وفي سورة الإخلاص وفي أغلب السور المكية بذكر أسماء الله وصفاته والسور المدنية بل أغلب القرآن. Également, nous avons beaucoup de versets qui parlent et attestent des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme Ayat al-Kursi, comme Surat al-Ikhlas, comme la plupart des sourates mécoises ou les sourates médinoises également, et même tout le Coran ramène les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. فنكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.